Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de deck hockey. Jeudi passé, il y a eu une rencontre d'information au complexe sportif du secteur de Delbo, une rencontre que je suis allé faire un petit tour. Il y avait à peu près facilement une cinquantaine de personnes qui étaient présentes pour savoir un peu le deck hockey à Delbo-Mistassini, comment que ça va se passer. Et je pense qu'un des responsables, Jonathan Harvey, était sur place, savoir comment il a trouvé l'accueil des gens. On lui parle. Salut, Jonathan. Salut. Jonathan, comment tu as trouvé l'accueil des gens? Ben, ça a été très bien reçu. C'est sûr que c'était une période aussi de présentation aussi pour savoir, parce que c'est un nouveau sport qui se passe à Delbo. Là, on n'avait pas ça avant. Fait qu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de questionnements. De curiosité par rapport à cette nouvelle opportunité qui arrive à Delbo. OK. Ça a donné quand même pas mal de bons échanges, hein? Oui, on a eu vraiment des bonnes questions, puis les gens étaient intéressés là, à vouloir en savoir plus là, sur toute la procédure, comment ça pourrait fonctionner, les horaires, les catégories d'âge, etc. Là. On a eu vraiment des bonnes questions là, qu'on a pu répondre là, pour aller de l'avant dans la suite du projet. Là. Donc, comment que ça va se passer? Où c'est d'abord que la surface va avoir lieu? La surface va se trouver au Parc Lyon. Okay. Puisque les infrastructures sont déjà en place. Il y a déjà un bloc sanitaire qui est là pour pouvoir se changer à la salle de bain et tout. Puis nous autres, on va faire ça à l'intérieur là, de la patinoire du Parc Lyon avec on va installer une surface qui va être installée là par la ville de Delbo-Mistassini là avec une grandeur réduite par rapport à ce qu'il y a présentement. On va faire la surface qui va avoir là va avoir 100 par 50. OK, dis-moi, si on parlait un peu de y a-t-il d'autres places que vous avez regardées? Ben c'était vraiment la seule place qui vous intéressait. Ben c'est sûr que tu sais c'est la ville de Delbo-Mistassini a quand même drivé plus le projet à ce niveau-là quand même là, pour les infrastructures, mais étant donné que c'était un endroit où qu'on avait déjà un bloc sanitaire, qu'on avait déjà de l'éclairage en assez bonne quantité, qui était centralisé quand même par rapport un petit peu partout, ben là, c'était là qui était intéressant d'installer une surface là, qui va être adapté pour le deck hockey. Ça ne sera pas sur l'asphalte. C'est vraiment une surface spécialisée pour ça. OK. Puis dis-moi, est-ce qu'il va y avoir un peu comme à Saint-Prime, un tableau indicateur également, un service de restauration? Parce que c'est bien organisé à Saint-Prime. La différence à Saint-Prime, c'est que lui, c'est un promoteur privé okay. qui s'est installé là. Il n'y aura pas de restauration, en tout cas pour les premières années, là, il n'y aura pas de service de restauration, bien évidemment. Mais par contre, au niveau du tableau indicateur, là, nous, on a commencé avec l'option d'un tableau indicateur là, portatif qui va être à même branché avec un ordinateur portable là, qu'on va pouvoir transmettre les résultats directement sur le tableau. Là, c'est quand même une belle patente. C'est quoi la différence entre vous et Saint-Prime? Parce que quelque part, à Saint-Prime, je sais que c'est un investissement privé. Vous êtes quand même une entreprise, vous gérez des ligues un peu partout, vous gérez des ligues à Héberville, à Saint-Nazaire, et ici même cette année. C'est quoi la différence? Ben, je peux pas parler pour Saint-Prime, là, mais ouais. Pour nous, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est associé avec la ville, puis nous, on arrive avec un tout inclus, donc on va s'occuper de la gestion des chronomètreurs, des arbitres, des horaires de match, des inscriptions, toute la logistique d'organiser une ligue, que ce soit au niveau junior ou au niveau senior, va être orchestrée par Deck Hockey Nord du Lac. Tandis qu'à Saint-Prime, eux autres, ben là, c'est vraiment un autre système. Là. Nous, on arrive, l'infrastructure appartient à la ville et nous, on arrive comme promoteur et organisateur du projet. Les arbitres, ça va-tu être dur à trouver? On a déjà quelques noms là, déjà entrés là-dedans. On a fait des messages avec le hockey mineur qu'on a dans le secteur. C'est sûr qu'on n'a jamais trop d'arbitres, fait que c'est un beau moment pour profiter de dire de s'il y a des gens qui pourraient être intéressés à être arbitre ou chronomètre, même au niveau des adultes, là. C'est sûr qu'on est encore à la recherche de quelques noms. Là. OK. Dis-moi, combien il y a de descriptions où on se parle? À un moment où on se parle, là, on a 13 équipes seniors d'inscrites, 13 équipes dans le niveau adulte, et on est à plus ou moins 65 jeunes là, d'inscrits là, à l'heure actuelle là, dans les différentes catégories qu'on offre. C'est-tu pas pire? Ça répond-tu pas mal à vos objectifs? Ben, on a encore quelques semaines encore d'inscriptions jusqu'à la fin avril. On s'attend qu'il y ait encore d'autres inscriptions qui rentrent au travers de tout ça. On a un objectif là, de 200 joueurs au total là, pour la première année. Là. On serait quand même très satisfait de la première année. Puis là, on se retrouve à être pas loin de tout ça quand même, avec 65 jeunes puis 13 équipes au niveau adulte. Là, ça va quand même bien. OK. Dis-moi aussi, il va y avoir de la publicité, ainsi de suite. Est-ce que vous entendez, parce que je sais que vous organisez la même affaire à Saint-Prime, pas à Saint-Prime, mais à Héberville, également à Saint-Nazaire. Est-ce que vous entendez organiser des tournois? Oui, on va avoir des tournois prévus. Certainement un, là. À Dolbeau-Missigny? Exactement. Oui, à Dolbeau, là, ça c'est... officiel là, qu'on va en faire un à Delbeau à Mistassini. Il va rester à vérifier là, les dates qu'on va pouvoir l'insérer dans l'horaire. Là. Mais à partir de ce moment-là, on va ouvrir les inscriptions là, à tout le monde pour faire la publicité autant à Saint-Nazaire et Berville qu'ailleurs au Québec. Là, parce que c'est un des sports les plus un des sports les plus en expansion à travers le Québec. Là. Pour ceux qui font le tour un petit peu, là, les surfaces de deck hockey, là, ça pousse un petit peu partout, là, à l'intérieur, à l'extérieur, il y en a partout. Est-ce que c'est une mode, comme le roller hockey, parce que dans les années 90, le roller hockey était vraiment très, très fort. Il y avait même des ligues à un moment donné, à Montréal, je ne me rappelle plus de l'équipe. C'était fort, le roller hockey, dans les années 90, puis là, est-ce que c'est une mode, ça va faire comme le roller hockey? Moi, je me rappelle du roller hockey dans les années 90, c'était fort, là, c'était extrêmement fort. Il y avait même une équipe à Montréal, c'était Yvan Cournoyer qui était l'entraîneur-chef, je me rappelle d'une ligue, ainsi de suite. Puis là, du roller hockey, il n'y a plus personne qui parle de ça aujourd'hui. Est-ce que c'est un sport cyclique? Ben moi, je pense pas que ce soit un sport cyclique, dans le point de vue que, tu sais, on n'a peut-être pas besoin d'avoir des talents particuliers là pour jouer nécessairement au deck hockey. Pas besoin de savoir patiner, pas besoin de savoir faire du roller. On a juste besoin de savoir courir un petit peu en quelque sorte. C'est un sport qui est accessible à tout le monde. Là, on n'a pas besoin d'infrastructures gigantesques ou d'organisations un aréna sportif. Là. On peut faire ça comme il y en a qui optent pour des surfaces intérieures. Nous, on a opté pour l'extérieur, puis il y a plusieurs possibilités, puis ça fait bouger les jeunes au même titre que les autres sports, là, comme le soccer, le baseball, ce genre de trucs-là pour les jeunes. OK. Dis-moi, la collaboration de la ville de Boumsissini là-dedans? Au niveau de la collaboration de la ville de Boumsissini, elle se situe plus au niveau de la surface de ces trucs-là. Je peux pas parler pour la ville à ce moment-ci, c'est vraiment au niveau là du terrain où on peut s'installer et toute la patente. OK. Donc c'est là, la construction de la surface, j'imagine qu'on attend juste pour que ça démarre, on attend juste pour que la neige fonde pour que ça démarre. Oui, exactement, on attend que la neige fonde de l'autre côté du côté du parc Lyon. Ensuite là, la surface va s'installer. L'installation aussi là, des bandes là, pour aller tout le tour de ça, puis des abris des joueurs là, pour qu'ils aillent un banc des joueurs, banc de punition et banc du chronomètreur va pouvoir être là. OK. Ben, Jonathan Jean-Topo, on va être là pour ça. Le deck hockey, évidemment, de Boumsissini, ça nous donne du contenu pour plaisir de se parler. Parfait, merci. Voilà, donc le responsable, un des responsables du deck hockey qui amène à Boumsissini, Jonathan.